طيب إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 17 dans l'explication du livre زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون. Et on est arrivé au cours numéro 17. C'est le manhaj des salaf al-salih face à la divergence. Donc on réfute dans ce cours le principe, un des principes des ikhwan qui est expliqué et qui est exprimé par la phrase on s'entraide mutuellement sur les choses dans lesquelles on est d'accord et on s'excuse les uns les autres sur les choses, au sujet des choses sur lesquelles on diverge. Et on a expliqué les faussetés et les erreurs qui sont dans cette expression et dans cette phrase. Maintenant, on est dans la deuxième section du livre qui explique les conséquences mauvaises de cette règle. Et donc, on va commencer tout de suite avec un des points qui est mentionné par le Cheikh Hamad Ibn Ibrahim Al-Uthman dans son livre. Le titre de ce point c'est Fathu Turuqin Aghlaqaha Al-Shar, c'est-à-dire d'ouvrir des voies qui ont été fermées par la sharia, qui ont été fermées par Allah subhanahu wa ta'ala. En appliquant cette règle, eh bien on est en train d'ouvrir la porte à ces règles qui ont été à ces portes d'égarement qui ont été fermées par la, on est en train d'ouvrir les portes de l'égarement qui ont été fermés par la sharia. Le Cheikh il dit: ذكر الله عز وجل صراطه المستقيم وبينه أتم بيان وأرشد إليه أحسن إرشاد وأكمل الرسول صلى الله عليه وسلم البيان والحجة، فما تم إلا صراط مستقيم أو سبل معوجة. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإعذار المختلفين هو إقرار ورضا بهذه السبل المعوجة وتضييع للصراط المستقيم. Donc le Cheikh il commence ce point en expliquant que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné dans son livre As-sirat al-mustaqim, le droit chemin. Et il l'a clarifié d'une clarification parfaite, complète, qui a été parachevée et clarifiée comme il faut. Ensuite, il nous a orienté de la meilleure orientation. Et le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a complété la clarification et a établi la preuve. Donc, il n'y a pas d'autre chose pour nous excepté le droit chemin ou les petites voies et les petits sentiers d'égarement. Donc, il y a le droit chemin qui est clair, qui est évident devant nous, et puis il y a les voies d'égarement et les petits sentiers qui nous font dévier de ce droit chemin. Ensuite, le Cheikh il mentionne le verset 153 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: wa anna hadha sirati mustaqiman fala tattabi'uhu وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude et sa droiture. Alors suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers et les petites voies qui vont vous faire dévier de son chemin, de son droit chemin, qui vont vous diviser et vous faire dévier de son droit chemin. Donc le cheikh dit fa'i'zar al-mukhtalifin huwa iqrar, c'est-à-dire le fait de chercher des excuses, hein, et d'excuser les gens qui ont divergé, c'est comme si on était en train de dire qu'on est d'accord et qu'on accepte les petits sentiers et les petites voies d'égarement qui nous égarent et qui nous éloignent du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh dit وقال ابن القيم رحمه الله ان الطريق الموصل الى الله واحد وهو ما بعث به رسوله وانزل به كتبه ولا يصل اليه احد الا من هذه الطريق ولو اتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدوده والابواب عليهم مغلقه إلا هذا الطريق الواحد فإنه متصل بالله موصل إلى الله. Le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim dans At-Tafsir al-Qayyim à la page 14 et 15. Il mentionne ces paroles dans lesquelles le cheikh il explique, le cheikh l'imam Ibn al-Qayyim il dit: la voie qui amène à Allah, elle est un seul chemin, une seule voie. Il y a une seule voie qui amène à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, contrairement aux gens d'égarement et aux kuffars et aux gens de bid'ah qui essaient de faire comprendre aux gens que tous les chemins sont bons pour aller vers Allah, peu importe, l'important c'est ton objectif, hein, tu peux utiliser n'importe quelle voie, n'importe quelle manière, n'importe quelle façon. Non, le cheikh Ibn al-Qayyim il explique, il dit: il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le chemin avec lequel les messagers ont été envoyés et par lequel les livres ont été révélés. Et personne ne peut arriver à Allah subhanahu wa ta'ala excepté par cette voie. Et même si quelqu'un voulait essayer d'arriver à Allah subhanahu wa ta'ala par tous les chemins, hein, et qu'ils essayaient d'ouvrir toutes les portes, le cheikh il dit tous les chemins leur sont bloqués et toutes les portes leur sont fermées excepté ce seul chemin unique, hein, et c'est le seul, parce que c'est le seul qui amène à Allah subhanahu wa ta'ala et qui est relié à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est à dire que le seul chemin qui nous mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le chemin de la révélation, le chemin du Coran et de la Sunna. Il n'y en a pas d'autre chemin en dehors de ce chemin. Le cheikh il dit ensuite: وبإزاء هذا الكلام النوراني كلام من يقول لقد حجرت واسعا وملت بالناس إلى الحرج وما في الدين من حرج وما أشبه ذلك. وقال الشاطبي معلقا: وهذا القول خطأ كله وجهل بما وضعت له الشريعة. Donc le cheikh il explique, il dit, donc après avoir lu cette belle parole illuminée, hein, et claire, on entend des gens qui disent: ah mais vous êtes en train de limiter, hein, et de rendre les choses difficiles, étroites pour les gens, hein, vous orientez les gens vers qu'est-ce qui est difficile, vers qu'est-ce qui est étroit, hein, vous leur donnez pas d'ouverture, de facilité dans la religion. Ils disent la religion c'est quelque chose de, il doit pas y avoir de difficulté dans la religion, et vous rendez la religion difficile en disant que celui qui fait des divisions ou des contradictions ou des divergences, il est pas excusé, ou bien que c'est pas toutes les divergences qui sont acceptées. Vous êtes en train de rendre la religion difficile et compliquée. pourquoi vous voulez être fanatique, pourquoi vous voulez être intégriste, pourquoi vous voulez être fondamentaliste, comme ils disent, hein? Tous les arguments et les expressions qu'ils utilisent pour essayer de dénigrer, hein? Vous êtes trop radical, vous êtes trop ci, vous êtes trop ça. Donc le cheikh il explique ce point là et il répond à ça avec les paroles de l'imam Shatibi, hein, qui sont mis en commentaire dans Al-Muwafaqat, hein. Le cheikh, l'imam Shatibi, il commente cette idée ou cette parole de la part des gens, hein, et il dit dans Al-Muwafaqat, le volume 4 à la page 142, cette parole, elle est une parole erronée, hein. Elle est toute fausse, hein, cette parole, et c'est une ignorance de ce pour, c'est-à-dire ces gens-là qui disent que il faut accepter les divergences et puis il faut ouvrir la porte aux divergences et excuser les gens lorsqu'ils font des divergences. Ils disent ça, c'est une parole qui est complètement fausse, incorrecte, et c'est de l'ignorance de ce pourquoi la charia a été établie et placée, hein, et révélée. C'est-à-dire la charia, elle n'a pas été révélée pour ouvrir la porte à la divergence et pour ramener de la divergence. Elle a été ramenée, la charia, c'est pour justement limiter la divergence et diminuer la division et diminuer les fitanes et les problèmes de l'humanité. Mais quand les hommes refusent de suivre, eh bien c'est ça ce qui arrive. C'est la fitna qui arrive à cause du fait que les gens ne reviennent pas à la vérité lorsque la vérité leur est clarifiée. Donc ça, c'est le premier point que le cheikh a clarifié dans cet exemple. Ensuite, il mentionne un deuxième point. Mudaddatun li amrillah. C'est-à-dire que cette règle des ikhwan, elle est en opposition avec le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh, il dit, i'malu hadhihi al-qa'ida fi mawarid al-niza'i wal-ikhtilaf bi an yu'zara kullu mukhalifin بأن يبقى على رأيه الشاذ ونحلته الفاسدة وملته المضلة ليس مما أمر به الشارع بل هو مضادة لأمر الشارع بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة حال الاختلاف والتنازع حتى يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ويكون الكل على الصراط المستقيم والدين القويم فهذا هو الواجب أن يجعل كلام الله ورسوله هو الأصل الإمام المقتدى به وأما ما سوى كلام الله ورسوله فلا يجعل أصلا بحال فليس لأحد أن يلزم الناس بل ولا أن يختار لهم إعمال هذه القاعدة واتخاذها أصلا مع مخالفتها الصريحة لأمر الله بالرد إليه وإلى رسوله حال الاختلاف والتنازع وما قيمة هذه الشريعة وما حاجة الناس إليها إذا عذر كل من انتحل بدعة مضلة أو شبهة مفسدة فلا يكون هناك أمر مضبوط قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Donc le cheikh, il dit d'appliquer cette règle des ikhwan dans les situations ou dans les endroits où il y a des divergences et des disputes ou des désaccords, d'excuser chaque personne qui diverge et de lui permettre de rester sur son opinion qui est singulière et qui est contraire à la réalité, à la vérité, et de le laisser suivre sa voie de déviation et sa voie d'égarement, c'est quelque chose qui n'est pas ordonné, hein. C'est pas ça que la charia est venue ordonner. En fait, c'est quelque chose qui est en opposition avec ce que la charia est venue nous commander et nous ordonner de suivre. C'est-à-dire que la charia, elle nous ordonne de ramener les divergences et les différences au Coran et à la Sunna. Lorsqu'on a des divergences, on doit ramener ces divergences-là au Coran et à la Sunna pour qu'on puisse juger entre les gens dans les choses sur lesquelles ils sont en désaccord. Et ça, c'est le droit chemin et c'est la religion de la droiture, hein? Et c'est ça l'obligation qu'on a, hein, de prendre la parole d'Allah et la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam comme une base, hein, et comme un fondement sur lequel on se base pour juger et on suit et on le prend comme guide et comme exemple. Et tout ce qui est en dehors de la parole d'Allah et de son messager, on ne doit pas le prendre comme un fondement et comme base. D'accord? Ça, c'est dans aucun cas. Et donc, le cheikh, il a bien expliqué dans ce passage-là, hein, comment on doit prendre la parole d'Allah et du messager comme des bases et des références. Juste un exemple que je voulais vous donner juste en passant par rapport à ces choses-là. Quand on juge selon le Coran et la Sunna, on a de la part des gens de Bid'a et de la part des Koufars parfois des objections et des gens qui viennent qui nous disent on ne peut pas appliquer littéralement qu'est-ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna, on ne doit pas l'accepter ou le comprendre l'appliquer littéralement. Et c'est étrange parce que ces gens-là, quand ils retournent à leurs lois ou à leurs règles que leurs imams ont fait, ils les prennent et ils les appliquent littéralement. Si vous allez à la cour avec les koufars et vous allez devant leur juge, vous allez voir comment ils prennent leurs lois et leurs règles littéralement. Et comment ils vont interpréter leurs lois littéralement. Ils vont pas commencer à jouer avec les sens de leurs lois en dehors des règles et des principes qu'ils ont établis dans leur système et dans leur constitution. Et dans leur code civil ou code pénal ou autre, ils jugent selon qu'est-ce qui est écrit dans la loi, hein. Donc, on voit ça de la part des koufars et de la part des gens de bid'a quand ils retournent aux paroles de leurs imams ou de leurs shuyukh ou aux paroles de leurs fondateurs ou de leurs murshid. Ils prennent les paroles de ces êtres humains-là à la lettre et ils l'appliquent littéralement. Ils ne vont pas chercher à les réinterpréter ou à les détourner de leur sens apparent. Ils vont les suivre et les prendre comme fondement et comme règle directe. Tandis que, quand c'est le temps de suivre le Coran et la Sunna, ils veulent chercher toutes sortes d'excuses et de prétextes, hein, pour détourner le sens de la révélation et ne pas le suivre directement. Et pour excuser tout le monde dans leur divergence. Et bien entendu, ça c'est pas quelque chose qui est correct. Ensuite, le cheikh il dit: وما قيمة هذه الشريعة؟ أو يدي ليس لأحد أن يلزم الناس بل ولا أن يختار لهم إعمال هذه القاعدة واتخاذها أصلا. Le cheikh il dit: personne n'a le droit d'imposer ou de demander aux gens ni de choisir de leur donner le choix, hein, ou de leur dire de choisir d'appliquer cette règle et de la prendre comme un fondement alors qu'elle est contraire, elle est en contradiction apparente et claire avec le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous ordonne de ramener nos divergences et nos différences au Coran et à la Sunna, c'est-à-dire à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit: وما قيمة هذه الشريعة وما حاجة الناس إليها إذا عذر كل من انتحل بدعة مضلة. Il dit: à quoi sert alors dans ce cas-là, à quoi sert et quelle est la valeur de cette charia, hein? Et pourquoi les gens en ont besoin si à chaque fois que quelqu'un amène une nouvelle bid'a d'égarement ou une nouvelle shubha, ils vont commencer à dire qu'on l'excuse. Non. Donc, si à chaque fois que quelqu'un amène une nouvelle bid'a ou une shubha ou quelque chose qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna, on commence à les excuser et à dire non, on doit s'excuser dans les choses sur lesquelles on a des divergences, alors il n'y aura rien qui va être clair, qui va être établi et qui va être déterminé. Tout le monde va pouvoir suivre ce qu'il veut, et donc à quoi sert la religion dans ce cas-là? À quoi sert la charia dans ce cas-là? Le cheikh il dit: قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Ça c'est le verset 56. Dans le verset 56, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et si vous divergez au sujet de quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et ramenez-le à Allah et au messager si vous croyez réellement à Allah et au jour dernier. Ça c'est dans le verset 56. Et souvent on mentionne ça à des gens quand on discute avec eux, on leur parle de ce verset, puis on leur dit quand il y a une divergence il faut le ramener à Allah et au messager. Et surtout les gens qui veulent inciter les gens à suivre aveuglément un madhhab, hein, et de ne pas sortir des quatre madhhab, c'est-à-dire de suivre aveuglément un des quatre et qu'on n'a pas le droit de sortir de ses opinions, peu importe. Donc quand on leur mentionne ce verset-là, ils disent: ouais, mais nos imams, ils ont fait ça, hein, ils ont ramené la divergence à Allah et à son messager. Oui, eux, peut-être qu'eux, ils l'ont fait, mais l'obligation aussi pour ceux qui viennent après eux, c'est de faire la même chose, dans le sens que si après eux, il y a encore eu des divergences, c'est-à-dire qu'eux, ils ont pris une position et d'autres ulama ont pris d'autres positions, et maintenant, on voit qu'entre eux, entre ces imams, il y a des divergences. Donc, quand il y a des divergences dans ces situations-là, on ne peut pas juste prendre une au hasard comme ça, puis la suivre. Il ne faut pas, ou bien de dire on suit juste un aveuglément et sans reconnaître ou sans savoir s'il a raison ou s'il a tort ou s'il a une preuve ou non. Et donc c'est pour ça que cette obligation-là et cet ordre-là, elle s'applique à nous également. Et même les quatre imams, ils ont appliqué ce principe-là, dans le sens que ils nous ont dit de lorsque le hadith est authentique, c'est mon madhhab, c'est-à-dire c'est ça ma position. Si vous trouvez un hadith authentique, eh bien c'est ça mon madhhab, c'est ça ma position. Donc ça c'est à ce sujet. Le cheikh il dit ensuite: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والله سبحانه قد أمر في كتابه عند التنازع بالرد إلى الله والرسول ولم يأمر عند التنازع إلى شيء معين أصلا. Donc, il mentionne cette parole de Ibn Taymiyyah ici, qui est pris dans Mihnat Ibn Taymiyyah, bi wasitati fiqh an-nawazil li Sheikh al-Allama Bakr Abu Zayd. Donc, il mentionne ça par rapport à qu'est-ce qui était mentionné des paroles d'Ibn Taymiyyah dans le livre de Bakr Abu Zayd, fiqh an-nawazil. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans son livre de, lorsqu'il y a des divergences, de les ramener à Allah et à son messager. Et il n'a pas demandé ou commandé de ramener les divergences à une autre chose spécifique à la base. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre auquel on doit ramener nos divergences, excepté à Allah et à son messager. Ensuite, le cheikh, il dit: وَهَذَا هُوَ أَمْرُ اللَّهِ وَحُكْمُهُ عِنْدَ الْإِخْتِلَافِ لَا أَنْ يَبْقَى كُلُّ مُخَالِفٍ مَعَ مُخَالَفَتِهِ فإن هذا اختراع وابتداع بل هو مناف لتجريد المتابعة لله ورسوله وهذا هو الحد الفاصل بين المتبع والمبتدع فالمتبع يرى أنه لا يسعه أن يقول بغير الحق والمبتدع يصوغ جميع الأقوال الباطلة ويعذر أصحابها. Donc le cheikh il mentionne, il dit, ça c'est le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et son verdict lorsqu'il y a des divergences, de ne pas laisser chaque personne suivre sa divergence et de rester sur la voie de la divergence, hein, parce que si tu suis cette voie là c'est comme tu ramènes des choses nouvelles et des innovations, des bid'a, hein, qui sont en contradiction avec l'ordre de suivre et de suivre exclusivement Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est la voie ou la limite qui vient trancher, hein, qui vient distinguer clairement entre la personne qui suit la sunna et la personne qui amène des bid'a, qui est un mubtadi', la différence entre le mubtadi' et le mubtadi', hein. Les deux mots ça se ressemble, mais il y a juste une lettre de différence, c'est le dal, hein? Le muttabi' et le mubtadi', hein? Le muttabi' c'est celui qui suit, hein? Et le mubtadi' c'est celui qui innove, Hein? Donc, al-muttabi', celui qui suit, il voit qu'il doit absolument suivre la vérité. Et il ne peut pas dire autre chose que la vérité. Tandis que le mubtadi', il veut permettre à tout le monde de dire les paroles fausses qu'il veut dire et de excuser les gens qui ont des paroles qui sont incorrectes ou qui sont contraires à la vérité. Donc ça, c'est la différence. Hein? Ensuite, le cheikh, il dit, il ra, un autre point qu'il mentionne par la suite, il ra un les sunni al-mutamayyiz. Hein? De suivre cette règle, c'est une sorte d'annulation de c'est-à-dire qu'on cesse de distinguer qui est le vrai sunni, qui est la personne qui suit réellement la sunna. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé dans la plupart de la tête, dans l'esprit des gens, c'est que celui qui est sunni, c'est une personne qui est sunnite, dans le sens quand il dit sunnite, ça veut dire qu'elle n'est pas chiite. Et il s'imagine que toute personne qui n'est pas chiite, automatiquement, elle est sunnite. Parce qu'ils ne savent pas en réalité que la personne qui est sunnite, c'est celle qui s'éloigne et qui s'écarte et qui rejette et qui s'oppose à toute bid'ah, peu importe laquelle, à toute secte, peu importe laquelle. Même si elles ne font pas partie des sectes des chiites, si ce sont d'autres groupes d'égarement et d'autres sectes, qui, même si elles ne font pas partie des sectes des chiites, elles sont quand même parmi les des groupes de bid'ah. Et donc, les gens qui font partie de ces groupes-là ne peuvent pas être considérés comme étant des sunnis. Hein? C'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne sont pas salafis, mais ils se prétendent sunnis. Et ça, c'est incorrect, bien entendu, parce que tu peux pas être sunni sans être salafi. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand il y a des gens qui disent, par exemple, « Mais pourquoi il ne faut pas se dire salafi ?» Il y en a qui disent « Il ne faut pas se dire salafi. » Parce que si tu dis salafi, ça amène des divergences, ça amène des problèmes, ça amène des divergences. Et donc, si tu leur dis d'accord, est-ce que tu ne dis pas que tu es sunni? Tu ne dis pas que tu es sunni sur la sunna? Ils vont dire oui, on est sunnite, on est sur la sunna. Eh bien, dans ce cas-là, tu peux leur répondre à ces gens-là. Alors, si tu dis sunni, c'est la même chose que si tu dis salafi. Parce que si tu dis que tu es salafi, ça veut dire que tu suis la sunna, le Coran et la sunna et la compréhension des salaf salih. C'est ce que ça signifie seulement. Et les salaf salih, c'est qui? C'est les sahaba. Et les tabi'in. Et les tabi'in. Et ceux qui les ont suivis sur la vérité à travers les siècles. Donc ça, c'est la voie des salaf. Donc si quelqu'un est réellement un sunni, il va suivre la voie des salaf salih. S'il ne suit pas la voie des salaf salih, il n'est pas un sunni, même s'il se dit sunni. Donc c'est pour ça que les autres groupes de bid'ah qui font pas partie des chiites, mais qui sont sur d'autres sectes ou d'autres voies de bid'ah, eux aussi sont des gens de bid'ah, même si ils se prétendent sunnis, ils sont pas sunnis. Hein? Donc quand ils disent par exemple soufi ou ash'ari ou maturidi ou diobandi ou d'autres groupes comme ça de ces tendances, hein? Maturidi. Hein? Ou bien Khariji, les Khawarij, hein? Ou bien les Mu'tazila, hein? Ou d'autres groupes, d'autres tendances. Tous ces groupes-là, tous ces gens-là, ne sont pas des sunnis, même s'ils se disent sunnis. Même s'ils ne sont pas d'accord avec les chiites à propos de l'imam. Hein? Ils sont sur la position des salafs sur la question de qui a pris la succession, qui a été le khalifa après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont d'accord que c'est Abu Bakr, Omar, Othman, puis ensuite Ali. Contrairement aux Rafida, Shia, qui disent que non, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ali qui devait être l'imam. Hein? Ceux-là, les Rafida, ils disent ça. Donc, à cause du fait qu'ils disent que c'est Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, ils font pas partie des Shia. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sur la sunna. Parce que dans d'autres aspects, dans d'autres questions de la aqidah et du manhaj des salafs, ils ont divergé. Ils ont divergé sur d'autres sujets, sur d'autres questions. Soit ils ont divergé sur l'iman, comme les murji'a, comme les asha'ira, comme les mu'tazila, comme les khawarij. Ils ont divergé sur le qadar, comme les Jahmiyyah, comme les Qadariyyah, comme les Jabriyyah, comme les Asha'ira. Hein, ils ont divergé sur Al-Asma wa Sifat, hein, comme les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiyya. Hein, et donc, ils ont divergé sur beaucoup d'autres questions sur le Tawhid et sur d'autres sujets également. Donc, même s'ils sont d'accord avec Ahl-Sunnah wal-Jama'a sur les questions qui allait être le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les autres groupes de bid'a en dehors des shi'a, ils sont d'accord avec nous sur ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sur la sunna et qu'ils sont des sunnis, et ça ne veut pas dire qu'ils font partie de Ahl sunnati wal jama'a, et ça veut encore moins dire qu'ils sont des salafis, parce que pour être salafi il faut être d'accord avec la position des salafs sur tous les points et sur tous les fondements de Ahl sunnati wal jama'a et sur la position dans la aqidah des salafs. C'est pas juste d'accepter certains aspects de la aqidah et du manhaj et de rejeter d'autres. Et puis après tu dis, oui, je fais partie de Ahl sunnah parce que je suis d'accord avec ça, avec ça, avec ça. Non, il faut que tu acceptes tous les aspects et tous les points. Hein? Et si quelqu'un diverge par ignorance ou par égarement, par incompréhension, on lui explique et on lui apprend. Si après avoir su et avoir compris, il persiste dans sa transgression et dans sa déviation ou dans sa divergence, là il va pas être considéré comme faisant partie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Il va être considéré comme un mubtadi', hein, comme un innovateur. Donc ça c'est un petit point important parce que cette règle elle ne veut pas qu'on fasse de distinction entre les musulmans. Et ça, vous l'entendez tout le temps quand vous écoutez des gens de Ikhwan. Hein. Même une fois, ma mère était dans une mosquée pour la Jumu'ah, et il y avait d'autres femmes avec elle. Et elle parlait avec une autre femme, puis elle disait, « Oui, moi je suis salafi, hein, je suis sur la voie des salafs. » Alors, il y a une autre femme qui était là, elle aussi convertie, mais qui se côtoie les Ikhwan et les gens de ces tendances, elle a répondu, elle a dit, il ne faut pas dire salafi parce que ça fait la division entre les musulmans. Hein? Et donc, ça c'est étonnant parce que tous les gens de Bid'a, ils sont divisés. Qu'on dise qu'on est salafi ou non, ils sont divisés. Et le fait de ne pas se dire salafi, est-ce que ça fait diminuer la division? Est-ce qu'il y a moins de division parce qu'on dit qu'on est salafi? Non, il n'y a pas de moins de division. La seule différence, c'est quoi? C'est qu'on clarifie l'erreur et la guidance et l'égarement est de plus en plus clair lorsqu'on dit qu'on est salafi et qu'on explique quelle est la position des salafs. Et ça dérange beaucoup de monde parce que les gens veulent pouvoir continuer à suivre les égarements qu'ils sont en train de suivre. Et beaucoup de gens refusent d'accepter et de revenir à la droiture et au droit chemin, malgré que la vérité a été clarifiée. Et donc, ils veulent dire, il ne faut pas dire qu'on est salafi, parce que si on dit qu'on est salafi, eh bien, ça veut dire que les autres ne sont pas salafi. Et donc, si tu dis que les autres ne sont pas salafi, eh bien, ça va les rendre tristes, ou bien ça va les fâcher, ou bien ça va les choquer, ça va les déranger. Mais de cacher la vérité et de nier la réalité, ça ne va pas réunir les musulmans. Qu'est-ce qui va réunir les musulmans c'est la vérité. Et de leur faire comprendre quelle est la voie des salafs pour qu'ils puissent la suivre comme il faut et pour qu'ils puissent par la suite cesser les divergences inutiles et les égarements. Donc, ils disent, il ne faut pas dire salafi, il ne faut pas dire ci, il ne faut pas dire ça. On est juste musulmans. Vous avez entendu des gens qui disent ça aussi. On n'est pas sunni, on n'est pas chiéi, on n'est pas soufi, on n'est pas mu'tazili, on n'est pas ci, on n'est pas ça, on n'est pas ça, on n'est pas ça. On est juste musulman. Et ça, c'est une belle parole. En principe, c'est vrai à la base, on se dit musulman, donc on est en principe musulman, mais dans la réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que même tu dis islam aujourd'hui, tu dis musulman. Pour X, musulman, ça veut dire quelque chose. Pour Y, musulman, ça veut dire autre chose. Pour Z, musulman, ça veut dire autre chose. Hein? Donc, lequel de ces islams est le vrai? Lequel de ces musulmans est sur le vrai islam? Chacun prétend que son islam et sa compréhension de l'islam et sa version de l'islam est le vrai islam. Donc ça veut dire que si tu dis on va juste dire musulman, est-ce que ça règle le problème de la division et de la divergence? Non. Parce qu'il n'y a pas de clarification. Celui qui est soufi et qui croit en Wahdatul Wujud, il croit que Dieu est tout et que tout est Dieu. Hein? Et donc, lui, est-ce que vous pensez que celui-là, il est musulman comme il faut? Hein? Qu'il est réellement musulman quand il parle d'islam? Et quand il parle de tawhid, il ne veut pas dire la même chose que celui qui est sur le tawhid pour de vrai. Pour eux, le tawhid, c'est de croire que tout ce qui existe est Allah. Il n'y a rien d'autre que Allah qui existe. Tandis que quand on comprend réellement le tawhid, on sait que ça veut dire la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et qu'il est au-dessus de son trône, et qu'on doit croire en ses noms et en ses attributs, et ne pas faire de tashbih, et de ta'til, et de takif, et de tahrif. Hein? Et on sait également qu'il faut croire en tawhid al-ubudiyya, tawhid al-ibada, et on doit croire en tawhid al-rububiyya. Donc, on connaît ces aspects-là, mais pour eux, c'est un autre tawhid. Hein? Le tawhid des Mu'tazila, c'est de nier ses attributs. Hein? Le tawhid des Asha'ira, c'est de nier les noms d'Allah, excepté cet attribut. Donc, est-ce qu'on peut commencer à dire qu'on est tous musulmans, puis ça suffit? Non. Au temps des Sahaba, oui, c'est vrai, il y avait un seul islam, il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand il y avait des divergences sur des questions, les gens retournaient à Allah et aux messagers, et ils ramenaient la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour clarifier et pour trancher. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba ont continué à suivre cette méthodologie et cette voie. Sauf que les gens de Bid'a, eux, non. On va voir la parole maintenant qui est dit par le cheikh à ce sujet-là. Cheikh, il dit « I'malu hadhihi al-qa'ida la siyama ma'a man lam yantasih wa lam yanzajir an khata'ihi aw bid'atihi aw dalalihi sayakunu sababan fi naqdi aslin azimin min usul ahli sunnati wa huwa al-bara'atu min al-mubtadi'a wa ta'tilu uqubatihim al-shar'iyya bil-hajri بل إن العمل بهذه القاعدة سيقضي على السني المتميز فالأمر عندهم سواء ما دام الكل معذورا ولم تحجم بذلك بدعة ولن تظهر سنة صافية من الكذار فيصبح الناس في أمر مريج لا تمييز عندهم بين السنة والبدعة والحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والصواب والخطأ. Le cheikh il dit d'appliquer cette règle des ikhwan, surtout avec la personne qui ne prend pas en considération la nasiha qu'on lui donne et qui ne s'arrête pas lorsqu'on lui fait des blâmes et des réprimandes, il ne cesse pas de faire ses erreurs ou de faire sa bid'a ou de faire ses égarements, d'appliquer ça avec lui, eh bien, ça va être une cause pour détruire un des grands fondements de Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est-à-dire d'appliquer al-wala wal bara envers les gens et de se désavouer des mubtadi'a, hein, et d'appliquer sur eux les punitions qui sont prescrites par la charia, comme par exemple al-hajr, qui est fait selon la charia, c'est-à-dire de boycotter ou bien de couper les liens avec la personne qui est sur cette voie de bid'a, c'est-à-dire dans certaines situations, hein, selon les règles de Ahlus Sunnah wal Jama'a, on doit, disons, cesser de coopérer et de travailler et d'interagir avec les gens de bid'a. Hein, et ça, c'est un des principes d'Ahlus Sunnah wal Jama'a envers les gens de bid'a. C'est une forme de, comment je pourrais dire? C'est comme qu'est-ce qu'on fait, c'est disons par rapport aux gens qui sont en train de faire des désobéissances ouvertement ou qui appellent à des bid'a et des choses de ce genre, de cesser de leur adresser la parole, de leur parler ou de leur donner le salam ou d'argumenter avec eux ou de s'asseoir avec eux, c'est-à-dire de les ignorer complètement. Hein? Donc ça, c'est une des méthodes qui avait été appliquée envers ces gens-là. Et d'appliquer la règle des ikhwan, d'excuser les gens dans leurs erreurs, eh bien, ça va éliminer cette distinction entre la personne qui est clairement sunni et celui qui n'est pas clairement sunni. Et donc, ça va, celui qui est mubtadi'. Donc, ça va mélanger les gens de bid'ah et les gens de sunna ensemble pour qu'on ne soit plus capable de distinguer entre qui est réellement sur la sunna et qui n'est pas sur la bid'ah. Et ça, on l'a remarqué ici, à Montréal, moi je l'ai remarqué depuis que je suis converti, et je l'ai remarqué ailleurs aussi également. Vous allez dans certains endroits, dans certains centres islamiques ou dans certaines mosquées où personne ne parle de questions de manhaj, personne ne parle de questions de aqida et des fondements de l'islam, hein, personne n'explique aux autres la voie des salaf salih, et qu'est-ce qui arrive à la fin? Tout le monde est mélangé. Vous rentrez dans certaines mosquées et vous ne pouvez pas savoir qui est qui et qui suit quoi. Tout le monde est sur une compréhension différente. Tout le monde a un manhaj différent, une aqida différente. Et les gens, ils rentrent, ils prient, ils s'assoient, ils sortent. Et il n'y a pas rien qui unit les cœurs des gens qui viennent prier dans ces mosquées-là, excepté qu'ils viennent prier ensemble et ils sortent. La plupart du temps, les gens qui prient ensemble dans ces mosquées-là, si tu tournes à droite, la personne qui prie à côté de toi, tu ne la connais pas. Et tu l'as jamais vu, et t'as jamais vu, ou bien elle t'a déjà vu, mais elle a jamais demandé ton nom, et toi t'as jamais demandé son nom. Et les gens maintenant sont devenus comme ça dans les mosquées, c'est devenu tellement froid, il n'y a pas de fraternité, des liens, hein, de rien. Chacun pour soi, chacun a son petite idée dans sa tête. Et tout le monde se dit que si je parle à l'autre, ça va faire des problèmes, donc je ne veux pas parler. Si quelqu'un voit quelqu'un d'autre faire une erreur, ou faire quelque chose de pas correct, la personne a dit, moi je vais pas lui dire, parce que si je lui dis, ça va faire des conflits, ça va faire des problèmes, donc je le garde pour moi. Et donc, qu'est-ce qui arrive, c'est ça. Les gens ont peur de se parler, les gens ne se font plus confiance, les gens ne s'aiment plus, les gens se sont tous méfiés les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas clarifié leur manhaj. On n'est pas unis sur un seul cœur, on n'est pas réunis sur un seul manhaj clair. Sur le Coran et sur la Sunna, chacun suit ses propres idées, ses propres pensées, sa propre compréhension, sa propre voix, et on ne sait pas vers qui ces gens-là retournent quand ils ont des conflits, quand ils ont des problèmes. Donc c'est ça le danger. Et là, donc le cheikh il dit, du moment que ces gens-là s'imaginent que tout le monde est excusé, donc on peut pas arrêter la bid'ah. Hein? On ne peut pas faire apparaître la sunna de façon claire. Hein? On ne peut pas montrer aux gens la réalité des choses d'une façon claire. Les gens sont dans la confusion. On ne peut pas distinguer entre qu'est-ce qui est sunna et qu'est-ce qui est bid'ah, en qu'est-ce qui est al-haq et qu'est-ce qui est al-batil, en qu'est-ce qui est le faux et la vérité et le faux, en qu'est-ce qui est la guidance et l'égarement, en qu'est-ce qui est la droiture et la déviation, en qu'est-ce qui est correct et incorrect. Les gens sont tous laissés à eux-mêmes. On n'a plus le droit de distinguer. On n'a plus le droit de clarifier. On n'a plus le droit de dire ça c'est la aqida des Mu'tazila, ça c'est la aqida des Jahmiya, ça c'est la aqida des Soufiyin, ça c'est la aqida des Asha'ira, ça c'est la aqida des Rafida, Shi'a. Donc on n'a plus le droit de distinguer entre la Sunna et la Bid'ah parce qu'il faut excuser tout le monde. Tout le monde est excusé. Il ne faut pas parler d'établir et montrer les erreurs d'établir et les déviations d'établir. Il ne faut pas montrer les erreurs des Ikhwan al-Muflisin. Il ne faut pas montrer les erreurs des autres groupes de Dalal, de Hizb al-Tahrir et d'autres groupes et d'autres Jama'at. Il ne faut pas réfuter les groupes de Khawarij et les groupes de Hizbiyin, les groupes de Sururiya et Qutbiya et les groupes de qui se disent Jihadi. Hein? Et tous ces autres groupes d'égarements. Donc on n'a plus le droit de parler. Pourquoi? Parce qu'il faut s'excuser les uns les autres dans les choses sur lesquelles on diverge. Et c'est étrange, comme je disais la dernière fois, ils agissent comme ça entre eux, sauf avec les salafis. Malheureusement. Donc le cheikh il dit, « Wa min jamil ima khattahu qalamul allama al-sheikh Bakr Abu Zayd fi siyaqihi » في سياق حديثه عن الأمور التي تمور بالمسلمين مورا ما قال كسر حاجز الولاء والبراء بين المسلم والكافر وبين السني والبدعي، وهو ما يسمى التركيب المولد باسم الحاجز النفسي، فيكسر تحت شعارات مضللة مثل التسامح وتأليف القلوب ونبذ الشذوذ والتطرف والتعصب والإنسانية ونحوها من الألفاظ ذات البريق التي حقيقتها مؤامرات تخريبية تجتمع لغاية القضاء على المسلم المتميز وعلى الإسلام. Donc le cheikh il dit, et comme il dit que le cheikh Bakr Abou Zayd, il a écrit dans un livre qu'il a écrit qui était un de ses meilleurs livres au tout début quand il a commencé à écrire des livres pour défendre la sunna et réfuter les gens de bid'a. Il a écrit au début un livre qui s'appelait Hajrul Mubtadi', c'est-à-dire le fait de boycotter ou de s'écarter du Mubtadi' et de laisser le Mubtadi' tout seul, de ne pas se mélanger avec lui, de ne pas c'est-à-dire de lui couper les liens, hein, de s'éloigner de lui. Et donc ça c'est son livre à la page 5 et 6, c'est un de ses meilleurs livres, et ce livre-là en particulier, il est un des meilleurs livres d'après ce que d'autres personnes ont expliqué, d'autres chouyoukhs ont expliqué que c'est un des meilleurs livres à ce sujet. Vraiment, il a rassemblé toutes les questions qui se rapportent à ce sujet-là. Et donc il dit là-dedans, il parle de cette question et il dit des paroles au sujet de qu'est-ce qui s'appelle kasr al-hajiz, c'est-à-dire de détruire la barrière. Et ils veulent, c'est-à-dire ils veulent, il y a des gens qui travaillent contre les musulmans, contre l'islam et contre la sunna, et ces gens-là, ils veulent détruire la barrière de al-wala wal-bara. Ils veulent détruire la barrière de al-wala wal-bara. Al-wala, c'est-à-dire tu t'associes avec des gens, tu t'allies avec eux, tu te rapproches d'eux, tu les aimes. Al-bara, c'est-à-dire tu te désavoues des gens, tu te coupes d'eux, tu t'éloignes d'eux, tu veux rien avoir avec eux, tu te désavoues d'eux. Donc ça c'est al-bara. Et ça doit être fait par rapport à Allah et à sa religion. Ok? Donc al-wala wal-bara, c'est un des principes les plus fondamentaux dans l'islam, mais il y en a qui veulent détruire cette barrière. Cette barrière de wala wal-bara, elle est établie dans la révélation, c'est pour distinguer et pour protéger le croyant, et pour distinguer entre le musulman et le kafir. Pour que la distinction entre le musulman et le kafir soit claire et évidente et apparente. Donc, le cheikh, il dit, il y en a qui veulent briser cette barrière entre le musulman et le kafir. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des différences que, quand j'expliquais les paroles du cheikh, hein, qu'ils ne veulent pas qu'on distingue entre le sunni et le mubtadi', eh bien, il y en a qui vont même plus loin que ça parmi certains musulmans. Ils veulent même qu'on arrête de faire des distinctions entre le musulman et le kafir. Et ils refusent qu'on dise le mot kafir quand on parle des koufars. Ils veulent qu'on ne dise pas lui est un kafir, lui est un mushrik. Ils veulent qu'on parle d'une façon humaniste, c'est-à-dire on dit juste les êtres humains, hein, peu importe leur croyance et leur religion, c'est pas grave. Et ça c'est de détruire la barrière de al-wala wal-bara. Donc quand les gens deviennent, juste un commentaire en passant, quand les gens sont confus et qu'on ne distingue plus entre les gens et entre les choses, qu'est-ce qui arrive à la fin et par la suite? C'est qu'on fond dans la société, on fond parmi les gens. Et on ne sait plus par la suite qui est sur la vérité, qui est sur le mensonge. Et il n'y a que la confusion. Et c'est ça ce qui est arrivé maintenant dans les sociétés des koufars. Les gens ont tellement été confondus et mélangés que maintenant ils ne savent plus qui est sur quoi, qui suit quoi. Et maintenant ils sont en train de se réveiller un petit peu. Ils sont en train de se demander mais où est-ce qu'on est en train de s'en aller? Où est-ce qu'on est, dans quelle direction on est en train de se diriger? Parce qu'il y a des gens qui ont profité de cette confusion-là pour égarer les gens. Hein. Donc, il y en a qui veulent faire la même chose parmi les musulmans. Ils ne veulent plus qu'on distingue entre un musulman et un non-musulman, un kafir. Ils ne veulent plus qu'on distingue entre quelqu'un qui est sunni et quelqu'un qui est bid'i. Hein. Et ils veulent plus qu'il y ait cette briseur ou cette barrière psychologique entre les hommes. Et ils utilisent des formules, hein, et des idées, des terminologies. Ils utilisent des formules pour essayer de briser ou de détruire cette barrière de al-wala ou al-bara en utilisant des termes comme at-tasamuh en arabe. At-tasamuh, c'est le terme qui est utilisé par ces gens-là pour traduire le mot tolérance. Ils utilisent ce mot-là, tasamuh, pour expliquer, pour reproduire en arabe le mot tolérance en français. Et ils utilisent donc ça et aussi ta'lif al-qulub, dit il faut rapprocher les cœurs, réunir les cœurs, hein. Et ils disent il faut repousser les positions singulières et il faut repousser l'extrémisme et le fanatisme et l'humanisme. Donc ça c'est qu'est-ce qui est dit par ces gens-là. Donc ça c'est des slogans qu'ils ont, hein, au nom de l'humanisme, au nom de la tolérance, au nom il faut rejeter le terrorisme, les choudous, le tatarruf, l'extrémisme, hein, le fanatisme. Donc ils disent, ils mettent tout ça ensemble, ils mettent ça tout ça dans le même paquet, et puis après ils disent bon, tout ça c'est des arguments pour dire qu'il faut arrêter de distinguer entre les hommes, entre les mécréants et les croyants, entre les gens qui sont sur la sunna et ceux qui ne sont pas sur la sunna, hein. Donc ils utilisent des belles paroles, des beaux mots, hein, qui sont aimés des gens pour essayer de les réunir. Mais à la fin, la réalité de tout ça, c'est que c'est un complot dans le but de détruire la réalité de l'islam et de se débarrasser des musulmans qui sont des musulmans clairs et distingués, hein, qui se distinguent par leur foi et par leur appartenance au Coran et à la Sunna et à l'islam. Donc ils veulent créer à la fin des musulmans, sauf que des musulmans qui n'ont aucune distinction, qui ne se distinguent pas du tout, qui sont comme tout le monde. C'est-à-dire des musulmans que quand tu l'entends parler, quand tu le vois, tu ne peux pas savoir est-ce qu'il est kafir ou non. Tu ne peux pas savoir est-ce qu'il est sunni ou non. Parce qu'à la fin, on a tout mélangé ensemble. On a tout... détruit en ce musulman-là. Qu'est-ce qui fait son identité et sa personnalité et sa réalité, hein? Et ça, c'est grave. Parce que tu dis, ouais, on est musulman. On dit le mot musulman avec sa bouche. Mais quand on a perdu, quand on ne sait plus ce que ce mot-là signifie, quand on ne sait plus ce que ce mot-là veut dire, quand ce mot-là a perdu sa réalité et qu'on ne peut plus distinguer entre qu'est-ce qui est un musulman, qu'est-ce qui est un mushrik, qu'est-ce qui est un kafir, qu'est-ce qui est un mubtadi', eh bien, dans ce cas-là, c'est quoi être un musulman? Et quand on regarde autour de nous, dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, et on voit nos frères et nos sœurs dehors, on se demande, mais c'est quoi être musulman? Si c'est comme ça, on mélange tout et on ne se distingue plus. Donc ça, c'est de détruire l'identité réelle de qu'est-ce que ça signifie d'être un musulman. En imposant aux musulmans de ne pas se distinguer des autres et de ne pas être différent, de ne pas avoir aucune particularité ou aucun signe distinctif ou aucun... Hein? Et même, ils disent en France, des signes ostentatoires de religion. Hein? Subhanallah. Et en réalité, c'est ça qui nous distingue. La distinction qu'on a à l'intérieur de notre cœur, si c'est juste une distinction qu'on a dans notre cœur et que ça n'a pas d'impact ou d'effet sur notre extérieur, il y a un problème. Parce qu'à la longue, petit à petit, à force de ne pas être distingué à l'extérieur, cette distinction à l'intérieur là qu'on prétend avoir, elle fond, elle se diminue petit à petit. Et après, il n'y en a plus de distinction. Après, il mentionne un autre passage de ce livre à la page 7. Le Cheikh dit: وقال أيضا ومن أبرز معالم التمييز العقدي فيها وبالغ الحفاوة بالسنة والاعتصام بها وحفظ بيضة الإسلام عما يدنسها نصب عامل الولاء والبراء فيها ومنه إبراز العقوبات الشرعية على المبتدعة إذا ذكروا فلم يتذكروا ونهوا فلم ينتهوا إعمالا لاستصلاحهم وهدايتهم وأوبتهم بعد غربتهم في مهاوي البدع والضياع وتشييدا للحاجز بين السنة والبدعة وحاجز النفرة بين السن والبدع وقمعا للمبتدعة وبدعهم وتحجيما لهم ولها عن الفساد في الأرض وتسرب الزيغ في الاعتقاد ليبقى الظهور للسنن ضيافة من الكدر ونقية من علائق الأهواء وشوائب البدع وجارية على منهاج النبوة وقفو الأثر وفي ظهور السنة أعظم دعوة إليها ودلالة عليها وهكذا كله عين النصح للأمة. Le Cheikh il dit également parmi les plus grandes choses qui amènent à ce qu'il y ait une distinction sur le plan de l'aqida, yani, parmi les plus grands signes de ça, c'est justement le fait d'ouvrir les bras à la sunna et de s'accrocher à la sunna et de protéger les limites de l'islam et de défendre les limites de l'islam, de tout ce qui pourrait la corrompre. Et la salir, c'est d'établir al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara, c'est très important. Pas seulement avec les koufars, mais avec les jeunes bid'a également. Et c'est pour ça que le cheikh, il dit que si on veut vraiment faire sortir montrer la force et ouvrir les bras à la sunna et montrer la grandeur de la sunna et de l'islam, il faut établir les principes de al-wala wal-bara et établir également les punitions qui ont été prescrites par la sharia par rapport au mubtadi'a. Il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui ignorent comment les salafs ont agi envers les jeunes bid'a et qui ignorent également qu'il y a dans la sunna et dans le Coran des règles et des prescriptions qui ont été prescrites pour punir les mubtadi'a. Donc ça veut dire que c'est pas juste de dire « Ah, lui, il n'est pas d'accord avec nous, puis c'est fini. » Non, dans un pays musulman, là où on applique la sharia, le dirigeant, il a comme responsabilité de stopper les innovateurs, parfois même, si nécessaire, de les faire enfermer, de les emprisonner, parfois. Et comme c'est arrivé dernièrement dans certains pays musulmans, ils ont mis en prison certains innovateurs parce qu'ils appelaient à des égarements et ils faisaient le désordre et la corruption dans la société. Et là, ils ont crié à l'injustice et ils ont dit « Ah, regardez, on nous emprisonne injustement. » Alors que non, eux, ils étaient emprisonnés justement. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient en train d'appeler à des choses contraires à la sunna et à la voix des gens de Bida. Donc ça, c'est des exemples. Et il y a aussi le fait que de couper certains individus, de cesser de leur permettre d'avoir, par exemple, de leur permettre d'enseigner s'ils appellent ou ils enseignent des choses de Bida ou des égarements, on leur permet plus d'écrire, de publier leurs livres, ou bien de diffuser leurs cours, ou bien d'avoir des cours et d'accueillir des gens, par exemple, pour soit à la mosquée ou ailleurs, pour leur permettre de diffuser leurs enseignements d'égarement. Donc ça, c'est des exemples de qu'est-ce qui peut se faire. Et également dans des pays où il n'y a pas de gouvernement musulman ou d'application de l'islam et de la sharia, eh bien, dans ce cas-là, il y a quand même d'autres règles et d'autres principes à appliquer qui sont dans la possibilité de chaque musulman de les appliquer, de boycotter certaines personnes, de cesser de les écouter, de cesser de leur parler, de cesser d'avertir les gens contre eux lorsqu'ils appellent à l'égarement, et de clarifier pour les gens leurs déviations et leurs contradictions avec la sunna et avec la sharia, ainsi de suite. Donc en appliquant ces règles-là, on va voir que ces gens-là vont être stoppés par la suite. Donc le cheikh il dit "I'mal al-istislahihim". Ça c'est lorsqu'on leur a fait le rappel et ils n'ont pas accepté le rappel. Lorsqu'on leur a demandé de stopper, de cesser, ils n'ont pas cessé. Donc on agit comme ça avec eux dans le but de les réformer, de les corriger, de leur montrer la guidance. Tout ça c'est une punition qui est donnée à ces gens-là dans le but de leur faire comprendre qu'ils ont transgressé la limite et qu'ils doivent revenir à la guidance et au droit chemin. Parce que quand on a utilisé tous les moyens diplomatiques possibles pour leur faire comprendre, en leur expliquant, en leur parlant, en leur donnant le bon conseil, en leur montrant les paroles et les explications des ulama et tout, et qu'ils persistent et qu'ils continuent dans leur déviation et dans leur égarement, là on passe à une autre méthode, une autre attitude, c'est-à-dire les attitudes qui sont des attitudes de correction et de punition qui sont établies par la charia, comme on en a expliqué quelques-unes. Et donc même parfois de les exiler, hein, dans certains cas même, comme Abu Bakr Siddiq, il a appliqué certaines de ces règles-là avec Sabir ibn Asal. On l'a expliqué dans d'autres cours. Hein. Donc on n'a pas le temps de s'avancer trop, d'élaborer là-dessus, mais c'est juste pour donner des exemples. Et il y a dans l'Irtisam de l'imam Shatibi des exemples de punition pour les gens de Bid'ah, comment ça s'applique. Et il y a ça également dans les paroles d'Ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa et dans le livre de Sheikh Rabi', lorsqu'il parle des comment on juge les livres et les personnes, les individus, selon les règles de la charia. Et il y a cette règle-là expliquée dans beaucoup d'autres livres également, et paroles des ulama. Donc, il y a une ijma' des salaf à ce sujet-là en passant. Peut-être un jour on aura le temps d'en parler et de donner les paroles et les exemples des ulama à ce sujet-là. Mais pour l'instant, on n'a pas le temps. C'est juste pour donner l'exemple. Le cheikh, il dit, ça c'est pour renforcer la barrière entre la sunna et la bid'ah. Et pour que les gens de la sunna, lorsqu'ils voient les gens de bid'ah, ils tout automatiquement et naturellement vont s'enfuir d'eux et vont s'éloigner d'eux. Hein? Et, ils vont, et aussi dans le but de réprimer la bid'ah et les gens de bid'ah, et de les diminuer, c'est-à-dire diminuer leur influence et leur propagation, pour pas qu'ils puissent faire la corruption sur la terre, et pour pas que l'égarement se répande dans les croyances des gens, pour que la sunna reste toujours victorieuse et apparente et pure et propre de toute saleté, hein, purifiée de toute saleté, et qu'elle soit pure et propre de toute forme de passion et d'innovation et de bid'ah, et qu'elle suive la méthodologie et la voie de la prophétie, et qu'elle suive les traces qui sont laissées par les salafs et les hadiths qui sont les narrations qui sont rapportées, et que la sunna soit au-dessus et soit plus grande, et qu'on puisse appeler à cette sunna de façon ouverte, hein, et qu'on puisse mentionner les preuves de la sunna aussi. Et ça c'est de donner la nasiha à la umma. Donc tout ça c'est des paroles du Cheikh Bakr Abou Zayd qui a expliqué des choses à ce sujet là Il reste un autre point, c'est Adamu husul al-ittilaf. Adamu husul al-ittilaf. Il y a deux mots, al-ikhtilaf wa al-ittilaf. Donc al-ittilaf, c'est le contraire de l'ikhtilaf. Al-ittilaf, c'est le rapprochement. Ça vient de al-ulfa, hein, le rapprochement entre les gens. Tandis que al-ikhtilaf, ça veut dire la divergence. Hein, c'est différent. Donc ces deux mots qui se ressemblent, ittilaf, ikhtilaf. Il y a juste une lettre qui est différente, c'est le kha. Hein? Mais c'est le sens opposé. Al-ittilaf. Donc, qu'est-ce que le cheikh veut dire par ce point-là? Et on va terminer avec ce point-là aujourd'hui. C'est que le fait d'appliquer cette règle des ikhwan, de dire on va s'excuser dans nos divergences, on va travailler ensemble sur ce qu'on est d'accord. Est-ce que d'appliquer cette règle, est-ce que ça a fait stopper la divergence? Est-ce que ça a fait réunir les cœurs des gens? Non. La réalité, c'est qu'on voit que c'est le contraire. Hein? Et on voit au contraire que lorsque des gens ont accepté le manhaj des salafs et la sunna, eh bien, on voit que les cœurs de ces gens-là qui ont accepté cette voie-là, ils sont réunis ensemble sur la vérité et sur le haqq. Et alhamdoulillah, s'ils se disputent, ils ont des divergences sur quelque chose, c'est encore une fois basé sur le haqq. Hein? Parce que lorsque l'un d'entre nous fait une erreur ou se trompe, et ça c'est normal que ça arrive, parce qu'il n'y a personne qui est parfait, il n'y a personne qui ne peut pas se tromper, hein, qui ne va jamais se tromper. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui se trompe, on doit se corriger entre nous. Et c'est pour ça, parfois, il va y avoir des conflits, hein, même entre ceux qui sont salafis, parce qu'on n'est pas infaillible, on peut tous se tromper, et on est tous sujets à l'erreur. Donc, on doit se corriger. Et lorsqu'on se corrige entre nous, parfois, il peut y arriver qu'il y a des conflits entre nous, mais c'est des conflits qui sont faits pour la vérité et basés sur la vérité. Hein? Donc, alhamdoulillah, parce qu'on aime la vérité et on s'aime pour Allah et pour la vérité. Et donc, on se corrige entre nous pour la vérité, hein? Et pour le haqq. Donc, ça, c'est la voie de l'unité. C'est la voie de rapprochement entre nous, de se réunir sur la vérité. Tandis que de s'excuser sur nos mensonges et sur nos faussetés et sur notre égarement et sur nos passions, ça, ce n'est pas la voie de l'unité. Et le cheikh, il dit, « هل يحصل الوفاق والائتلاف بهذه القاعدة يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ كلا. لائتلاف ولا اتفاق إلا بالكتاب الهادي. قال تبارك وتعالى, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Ça c'est le verset 213 dans sourate Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, les hommes ne formaient qu'une seule communauté. Et par la suite, Allah a fait susciter des prophètes comme annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs d'un châtiment. Et il leur a révélé avec eux des livres. Il a fait descendre avec eux des livres en toute vérité pour que les hommes puissent juger entre eux au sujet des choses dans lesquelles ils avaient divergé. Et il dit, ils n'ont pas divergé, excepté ceux à qui on leur a donné le livre, hein, excepté ceux qui l'ont reçu, après que la vérité ou que les preuves claires leur soient parvenues, par jalousie entre eux et par transgression les uns envers les autres, entre eux. Hein. Donc c'est pour dire que la divergence, elle est arrivée parmi ceux qui ont reçu le livre. Mais une fois que les preuves claires sont arrivées, ils ont été jaloux les uns des autres, ils ont transgressé les uns contre les autres. Hein? Donc ceux qui ont divergé ici, est-ce qu'ils ont divergé de la bonne divergence? Dans le sens, est-ce qu'ils ont divergé par rapport à la vérité? Non, ils ont divergé après avoir eu la preuve claire. Et ça c'est haram. On n'a pas le droit de diverger lorsque la chose a été clarifiée et lorsque la vérité est venue. On n'a plus le droit de diverger. On doit se soumettre et suivre la vérité. Et eux, ils ont divergé, non pas par rapport à, disons, non pas par rapport au fait qu'ils ont suivi la vérité et la révélation. Ils ont divergé parce qu'ils ont transgressé, ils ont été jaloux les uns des autres, ils ont transgressé les uns contre les autres, et c'est pour ça qu'ils ont divergé. Et Allah, il dit par la suite, فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. Hein? Et Allah a guidé ceux qui ont cru dans le sujet, dans la question sur laquelle ils avaient divergé. Hein? Ils ont été guidés à la vérité dans cette question-là par la permission de leur Seigneur. Hein? Et Allah guide qui il veut au droit chemin. Donc, le cheikh il dit ici que il mentionne ce verset. Il dit, est-ce que ils ont été unis? Donc il dit, فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي ما يشاء إلى صراط مستقيم. Il a guidé ceux qui à la vérité parmi eux qui ont été croyants, ceux qui ont été croyants, il les a guidés à la vérité par sa permission dans les choses sur lesquelles ils avaient divergé, et Allah guide qui il veut au droit chemin. Le cheikh, il dit, est-ce que en suivant la règle des Ikhwan, on a eu un accord? Est-ce que les gens se sont rapprochés et réunis ensemble à cause de cette règle, ou en suivant cette règle, on s'excuse chacun les uns les autres dans les sujets sur lesquels on a divergence? Non. Non, ils ne sont pas réunis. Ils ne se sont pas mis d'accord. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'accord. Il ne peut pas y avoir de réunion ou de regroupement, excepté sur le Coran et sur la guidance. Parce que c'est le Coran qui guide. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne donc ce verset que je vous ai mentionné, le verset 213 dans Surat al-Baqarah. Et dans ce verset-là, il y a la mention du fait que les hommes étaient unis, il y a eu les messagers. Hein, les hommes étaient une seule communauté, il y a eu des messagers. Et donc, il y en a qui se sont divisés, il y en a qui se sont divisés après que la vérité est parvenue. Et ils n'ont pas voulu suivre la vérité, ils ont voulu suivre le mensonge. Et il y a ceux qui ont été croyants, eux, ils ont suivi la vérité qui est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ont cru. Hein, et les autres, ils n'ont pas voulu croire en la vérité, et c'est pour ça qu'ils ont qui se sont divisés des autres. Donc c'est pour dire qu'il y a dans ce genre de division là, il y a al-haq al-batil. Comme on a expliqué dans les premiers cours, il y a dans al-ikhtilaf al-tadad, quand c'est des divergences qui impliquent une contradiction, hein, ou une opposition, eh ben il peut pas y avoir excepté la vérité ou le faux. Il peut pas y avoir rien entre les deux. Donc si il y a une divergence dans les questions comme ça et que c'est une question qui a rapport avec une divergence qui incite ou qui implique une contradiction, il ne peut pas y avoir autre chose que la vérité et le mensonge. Et donc le cheikh il mentionne le tafsir de l'imam Al-Qasimi dans son tafsir Al-Mahasin Al-Ta'wil au volume 3 à la page 528. Il dit قال Al-Qasimi ثم ضلوا على علم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فاختلفوا في الدين لاختلافهم في الكتاب وما اختلف فيه أي الكتاب الهادي الذي لا لبس فيه المنزل لإزالة الاختلاف إلا الذين أوتوه أي علموه فبدلوا نعمة الله بأن أوقعوا الخلاف فيما أنزل لرفع الخلاف ولم يكن اختلافهم لالتباس عليهم من جهته بل من بعد ما جاءتهم البينات أي الدلائل الواضحة باغيا بينهم أي حسدا. Le cheikh il explique dans ce passage le tafsir de ce verset qu'on a lu, le verset 213 dans Surat al-Baqarah, dit qu'ils se sont déviés après la mort des messagers. Les gens ont dévié après la mort des messagers avec science. Et ils ont divergé dans la religion, et ils se sont divisés dans la religion. Pourquoi ils ont divergé dans la religion? C'est parce qu'ils ont divergé au sujet du livre. Et وما اختلف فيه أي الكتاب الهادي الذي لا لبس فيه المنزل لإزالة الاختلاف. Donc ils n'ont pas divergé à son sujet, c'est-à-dire au sujet du livre qui guide. Qui est clair, hein, qui a aucune chose qui est confondante dedans ou qui peut nous mélanger ou nous confondre en ce qui concerne la vérité et le faux, et qui a été révélé pour enlever la divergence, excepté ceux qui l'ont reçu, qui l'ont connu, hein, et qui ont voulu rejeter la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont tombés dans la divergence. Hein, au sujet de ce qui leur a été révélé pour enlever la divergence. Hein. C'est-à-dire, ils ont divergé au sujet de la révélation qui leur a été donnée pour leur enlever leur divergence. Et donc, le cheikh, il dit ensuite, et ils n'ont pas leur divergence ne vient pas du livre lui-même. Leur divergence vient d'eux-mêmes. Parce que la divergence, elle vient d'eux-mêmes parce qu'elle est venue après que les preuves et les signes clairs et évidentes leur soient présentés. Et ils ont transgressé les uns contre les autres par jalousie et par envie. Barian beynahum. Donc, les uns contre les autres. Et donc, c'est l'exemple de qu'est-ce que le cheikh explique à ce sujet-là pour montrer qu'on ne peut pas accepter ni la divergence dans ces questions-là, et que ceux qui appellent à dire qu'on doit s'excuser les uns les autres, eh bien, ils sont en contradiction avec ce verset, avec les principes qu'on a expliqués. Et ensuite, il mentionne les paroles de l'imam Qiwam al-Sunna Abul Qasim al-Asfahani, dans le volume 2, à la page 226 de son livre Al-Hujja fi Bayan al-Mahajja. Il dit: كان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل وأورثهم الاتفاق والائتلاف وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء وأورثهم الافتراق والاختلاف. Le cheikh il dit, Qiwam al-Sunna al-Asfahani, il dit la cause de l'accord, c'est-à-dire la cause du fait que pourquoi les gens d'Ahlul Hadith sont réunis ensemble et ils sont en accord les uns avec les autres, c'est parce qu'ils ont pris leur religion, la religion, ils l'ont pris du Coran et de la Sunna par la voie de la transmission. Hein, et ça leur a transmis et ils ont hérité donc de l'accord et du rapprochement qu'ils ont entre eux. Tandis que les gens de Bid'a, eux, ils ont pris la religion ils se sont basés dans leur religion sur les déductions rationnelles qu'ils ont essayé d'inventer et sur leurs opinions personnelles également. Et donc, ils ont hérité de la divergence et de la division à cause de ça. Au lieu de se référer à la révélation, ils ont dit, on va se baser sur notre raison. Parce qu'ils ont dit, on ne peut pas prendre le sens apparent de la révélation. Il faut suivre de la révélation le sens que nous, on a compris par nos déductions rationnelles. Hein, il faut comprendre et l'appliquer selon notre intelligence, soi-disant. Et étant donné qu'ils se sont basés sur ça, qu'ils ont pris le Coran et la Sunna et ils l'ont mis derrière leur dos, et ils se sont basés sur leur soi-disant intelligence, et bien ça a amené comme résultat qu'ils ont eu la divergence et la division entre eux. Et après, ils essaient de dire il faut s'excuser les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la guidance. Ils ne connaissent pas la voie de la guidance. Alors, étant donné qu'ils ne la connaissent pas, ils ne peuvent pas s'unir. Et le cheikh, il mentionne ensuite les paroles de l'imam Shatibi dans Al-I'tisam, le volume 2, à la page 192. Il dit: وقال الشاطبي قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فبين أن التأليف إنما يحصل عند الائتلاف على التعلق بمعنى واحد وأما إذا تعلق كل شيعة بحبل غير ما تعلقت به الأخرى فلا بد من التفرق وهو معنى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Le cheikh, il mentionne les paroles de l'imam al-Shatibi ici dans son livre Al-I'tisam, et il dit que il mentionne le verset dans surat Al-Imran, verset qui dit: et accrochez-vous tous fermement au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous tous, et ne vous divisez pas. Et le cheikh il dit donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a clarifié ici que de se réunir, ça c'est le résultat, et ça vient comme du résultat ou du fait que on s'est tous accrochés à une seule signification. Mais celui qui veut s'accrocher à un groupe ou à une secte, hein, et par une autre corde que la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les exemples des choses auxquelles les gens s'accrochent, eh bien, il faut absolument, et c'est normal que le résultat sera la divergence et la division. Et donc, c'est ça la signification de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, dans surat An-Nisa, « Wa anna hadha sirati mustaqiman » et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les petites voies ou les petits sentiers qui peuvent vous faire dévier de sa voie. Donc, alhamdoulilah, ça c'est... on a fini donc la deuxième section en parlant de ce point-là. Donc, il reste uniquement la troisième section. Et c'est les paroles des ulama contemporains et de notre époque, et aussi des paroles du passé aussi. On va mentionner peut-être quelques exemples, mais on va surtout se concentrer sur des paroles des ulama d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont dit de ce principe-là? Parce qu'on a vu les paroles des salafs déjà, comment ils ont parlé des questions de divergence et comment ils ont réglé les divergences entre eux. Donc ça, on le sait. Alhamdoulilah, maintenant on connaît le manhaj des salafs vis-à-vis de ces questions-là. Maintenant, on va connaître la position des ulama qui suivent la voie des salafs aujourd'hui, à notre époque. Demain, inshallah, on va lire les fatwas et les paroles des ulama à ce sujet-là, inshallah. Donc, il y a des paroles de différents shuyukh, comme la parole de l'imam Sa'di, les paroles du Cheikh Abdelaziz ibn Baz, les paroles du Cheikh Ibn Uthaymin, les paroles du Cheikh Al-Albani, et les paroles de l'Ajnat al-Da'ima, et aussi les paroles de, également, on va lire les paroles de Cheikh Al-Rudayyan. C'est pas dans ce livre-là, c'est dans un autre livre, parce qu'il en a parlé dans un autre. Il y a d'autres chouïrs qui en ont parlé. Leur fatwa n'est pas dans ce livre, mais elles ont été ramenées dans d'autres livres. Donc, aussi, on va peut-être lire la parole de Cheikh Bazmoul aussi à ce sujet-là. Ça, c'est demain, inshallah, ça va être notre dernier cours, bi'ithnillah, ça va être notre dernier cours pour ce livre. Après, on va commencer la semaine prochaine, inshallah, un nouveau livre, et je vous réserve la surprise pour la semaine prochaine. Je vais vous dire demain, à la fin du cours, inshallah, je vais vous dire demain quel livre on va faire la semaine prochaine, inshallah. Donc, on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته